نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد دونك الحمد لله Ça me fait grand plaisir en fait aujourd'hui d'être avec vous ici en Belgique, de rencontrer mes frères, alhamdoulilah, pour lire ensemble et étudier ensemble quelques-uns des livres écrits par les imams de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc, le livre que j'ai décidé de, ou que j'ai choisi aujourd'hui pour baser ce cours aujourd'hui, c'est Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith. Et c'est un livre qui est écrit par l'imam Cheikh al-Islam Abi Othman Ismail ibn Abdurrahman al-Sabouni. Cet imam, il est né en 373 Hijri et il est mort en 449. Donc, ce livre, qu'est-ce que c'est? C'est un résumé de la aqida et du manhaj de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Et c'est un des livres, on peut dire, parmi les plus puissants qui résume cette aqida, qui est la aqida des salaf salih et des ashab al-hadith, des gens du hadith. Et en principe, quand on observe souvent les gens de Bid'a, quand ils essaient d'attaquer cette da'wa et de critiquer cette da'wa, ils essaient toujours de la ramener à une personne en dehors des salaf, ou bien à une personne qui est venue longtemps après les sahaba, pour essayer de prétendre que yani, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est apparu bien longtemps après, c'est quelque chose qui a été inventé par Ibn Taymiyyah, ou qui a été inventé par Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, et ils vont dire ça c'est la da'wa al-wahhabiyya et des choses comme ça. Donc ici on a un texte qui nous montre que cette da'wa c'est la da'wa des salaf salih, elle retourne jusqu'à l'époque des sahaba et aux ulama des trois premières générations et ceux qui les ont suivis par la suite. Cet imam il est né environ 300 à 400 ans avant Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Donc si quelqu'un prétend par exemple que Ibn Taymiyyah a ramené quelque chose de nouveau, ou que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a ramené quelque chose de nouveau, eh bien là ici on a un exemple d'un alim, un imam parmi les imams d'Ahl Sunnah wal Jama'a, qui a déjà expliqué et clarifié cette aqida bien longtemps avant ses imams. Donc ça prouve que cette aqida, elle a des sources, des racines très profondes. Et on a déjà fait un dars dans le passé, j'ai fait un dars à Montréal avec les frères, on a expliqué Usul Ahl Sunnah, Usul Ahl Sunnah ou Usul Sunnah de l'imam Ahmad. Et ça c'est un imam qui précède encore même cet imam dont on va expliquer le livre aujourd'hui. Mais c'est pour vous dire que en fait cette aqida, il y a des centaines d'imams qui ont écrit un livre de ce genre. Ils l'ont appelé par différents noms. Parfois ils l'ont appelé As-Sunnah, parfois ils l'ont appelé Usul al-Sunnah, parfois ils l'ont appelé, yani, comme certains qui ont écrit un livre, qui l'ont appelé, par exemple, al-Sharia, comme l'imam al-Ajuri, ou d'autres, on l'a appelé dans des termes ou des noms semblables à ça. Ok, et le but, pourquoi ces imams, en général, ils écrivaient ces livres-là pour résumer la aqidah d'Ahl-Sunnah wa al-Jama'ah, c'était pour faire connaître leur position à eux vis-à-vis de la aqidah des salaf, et pour faire comprendre que, ou pour faire connaître aux gens que ils retournaient à cette aqidah et qu'ils défendaient cette aqidah-là, et qu'ils réfutaient les gens de bid'ah qui s'étaient opposés à cette aqidah. Donc on va faire peut-être juste mentionner quelques points au sujet de la biographie de cet imam. Son nom c'est Abu Othman al-Sabouni, Ismail ibn Abdurrahman ibn Ahmad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Amir ibn Abid. Il est né en 373. Son père était un parmi les grands ulama de Naysabour, et il s'est fait tuer. Quand Abu Othman était très jeune, son père s'est fait tuer. Et donc l'imam Abu Othman al-Sabouni, il s'est fait élever par Abu Tib Sahl ibn Muhammad ibn Sulayman al-Sa'louki. C'est lui qui l'a éduqué, puis qui l'a préparé yani, pour qu'est-ce qu'il allait devenir. Et l'imam Abu Othman al-Sabouni a commencé à enseigner dans la mosquée et à faire des exhortations aux gens à l'âge de 9 ans. Il a commencé à enseigner dans la mosquée, et c'est pour vous dire à quel point il était intelligent et à quel point il avait une mémoire très développée. تولى مهمة الوعظ بعد أبيه وعمره 10 سنوات. Certains disent 9, certains disent 10. وكان يحضر مجلس تذكيره كبار أئمة عصره مثل الإمام أبي إسحاق الإسفرائيلي وأبي بكر ابن فورك، وكانوا يتعجبون من كمال ذكائه وعقله وحسن إراده الكلام. Donc c'est pour vous dire qu'il a commencé à exhorter les gens et à enseigner aux gens, il n'avait même pas 10 ans. Et parmi les gens qui s'assoyaient avec lui pour étudier la science avec lui et pour écouter ses paroles, eh bien, il y avait des grands imams de son époque, comme l'imam Abu Ishaq al-Isfara'ini et d'autres, parmi ces exemples de grands imams. Donc, il a continué comme ça, toute sa vie, à enseigner et à exhorter les gens et à clarifier la position. Et il a eu plusieurs chouyours, et parmi ces chouyours, il y a des grands imams, comme l'imam al-Bayhaqi et l'imam Abu Ubaid, Ahmad ibn Muhammad ibn Abdurrahman ibn Muhammad al-Harawi. Et il y en a une série de ulama qui sont mentionnés ici. On en mentionne en fait dans l'introduction du livre, on en mentionne 21 parmi ces imams-là. Parmi eux, Abu Tahir, Muhammad ibn al-Fadl, ابن محمد ابن إسحاق ابن خزيمة. Donc il y en avait beaucoup. Et parmi ses élèves, أحمد ابن الحسين البيهقي أبو بكر. C'est lui, c'était pas son chef, mais c'était son élève. Je me suis trompé tout à l'heure. Et il y en a beaucoup d'autres encore qui ont été également parmi les imams de l'islam. Donc c'est pour dire que parmi ces choses, il y avait des imams, et parmi ses élèves également il y avait des imams. Donc ça nous montre la grandeur de cet imam-là lui-même, parce qu'on peut reconnaître la grandeur d'une personne par ses choses, et on peut aussi reconnaître la grandeur d'un chef par ses élèves également. Bon, et on a des exemples de ulama qui ont donné des commentaires au sujet de cet imam, qu'est-ce qu'ils ont dit de lui, comme par exemple قال البيهقي شيخ الإسلام صدقا إمام المسلمين حقا. البيهقي il a décrit Abu Othman al-Sabouni en disant qu'il était شيخ الإسلام, le شيخ de l'islam en vérité. et l'imam des musulmans. Ibn Nasr al-Din, un autre des ulama, il a dit « كان إماما حافظا عمدة مقدما في الوعظ والأدب وغيرهما من العلوم وفي حفظه من الحديث والتفسير » Yani, il était un imam, un hafiz. Et quand on dit hafiz, ça ne veut pas dire, comme aujourd'hui on a l'habitude de dire hafiz, on parle de quelqu'un qui hafiz le Coran. Hein? Quand on dit hafiz dans les livres de hadith, quand on parle des ulama des salaf, hafiz, c'était non seulement hafiz le Coran, mais hafiz le sunnah. Hein? Il préservait le Coran et la sunnah. Donc c'est quelqu'un qui a mémorisé une grande quantité de hadith. Umda, c'était un pilier dans la science, hein, et il était connu pour ses exhortations et sa façon de donner le rappel aux gens et son bon comportement, et dans la science il était quelqu'un de remarquable également, et comment il mémorisait les hadiths et comment il était profondément ancré dans la science du tafsir, donc tout ça c'est bien connu, hein. وقال الذهبي الواعظ الذهبي الذي الواعظ المفسر المصنف احد الاعلام كان شيخ خراسان في زمانه donc l'imam al-Zahabi il a décrit c'est al-wa'iz, celui qui donne aux gens l'exhortation, qui les rappelle, qui leur donne des discours, qui leur rappelle de l'islam, qui leur rappelle d'Allah, qui leur fait craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mufassir, celui qui explique la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Musannif, il a écrit de nombreux ouvrages et de nombreux écrits dans l'islam. Ahadul A'lam, c'est un parmi les plus grands, parmi les imams, parmi les ulama. Et à son époque, c'était lui le cheikh de sa ville, c'est-à-dire le cheikh de Khurasan. Et quand on dit que quelqu'un est le cheikh d'une ville à cette époque-là, ça veut dire c'est lui un des plus hautes autorités dans la science à son époque. Min musannafatihi, kitab al-fusul fil usul. وكتاب الانتصار. Donc il a écrit plusieurs livres. Parmi ces livres-là, il en a mentionné seulement deux. Al-Fusul, Filosul, et un autre livre qui s'appelle Al-Intisar. Mais par contre, je crois que ces livres-là sont perdus. Jusqu'à maintenant, on ne les a pas trouvés. Mais ça a été mentionné que ça fait partie de ces livres. Et dans le livre qu'on va lire aujourd'hui, il fait mention de ces livres-là à plusieurs reprises dans ces livres-là. إذ توفي في شهر محرم في من سنة 449 donc il est mort dans le mois de Muharram en 449 Hijri. D'accord, donc ça c'est pour une petite biographie rapide du cheikh, et donc yani ça nous donne une petite idée un peu de c'était qui cet imam. Ok, donc on va commencer tout de suite avec l'introduction, on va pas lire l'isnad, la sanad du livre, ok, on va juste commencer directement avec le texte, parce que on sait que les livres chez les imams des salaf, ils se rapportaient avec l'isnad, d'accord, l'imam qui a rapporté le livre, il le rapporte avec, en mentionnant le nom de tous les chouyours qui ont transmis ce livre d'une génération à l'autre, d'accord. Donc ça, ça donne une idée de l'authenticité du livre et du fait qu'il a été transmis parmi les générations à travers les siècles, à travers plusieurs parmi les imams et les ulama de l'islam. Et c'est comme ça que les livres ont été préservés dans le passé. Donc on commence avec Al-Muqaddima, Cheikh Ibn Muqaddima Al-Musannif. وسبب تصنيف هذا الكتاب. Okay, l'introduction de l'auteur et la cause pour laquelle ce livre a été écrit. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. Donc le cheikh il commence, comme c'est l'habitude dans la plupart des livres, parce que tous les livres des imams de l'islam, quand ils commencent, ils commencent par glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, et il dit que la bonne conclusion, la bonne fin appartient aux muttaqin, ceux qui ont créé Allah subhanahu wa ta'ala, et il envoie le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala sur, et la paix sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ceux qui l'ont suivi et ses nobles compagnons. Ensuite, il commence, il dit « Amma ba'd, fa inni lamma waradtu amal Qabristan wa bilad Jilan mutawajjihan ila bayt al-haram wa ziyarati qabr nabiyihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ala ashabihi al-kiram sa'alani ikhwani fi al-din an ajma'a lahum fusulan fi usul al-din التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بتركها ويمنها وخيرها وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم وحمهم وحثهم إياهم عليها فاستخرت الله تعالى وأثبتت في هذا الجزء ما تيسر منها على الاختصار رجاء أن ينتفع به أولي الألباب والأبصار والله يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق ومنه وفضله. Donc on va expliquer ce passage. Le cheikh il dit, ensuite on commence et on dit, le cheikh il explique qu'il était en route vers Tabristan, et Tabristan, il dit c'est Amal, wa alaykum salam wa rahmatullah. Amal, c'est une ville de Tabristan. C'est une ville de Tabristan, c'est une région dans, yani, qui est autour de l'Iran dans ces coins-là aujourd'hui, et Bilad Jilan. Il s'en allait vers Bayt al-Haram, à Mecca. Et il mentionne qu'il était allé pour visiter la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, c'est comme le cheikh qui a fait le tahqiq de ce livre, il dit « قلت الأولى بالمصنف رحمه الله أن يقول زيارة مسجد نبيه لأن المشروع هو السفر بقصد زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا لقبره. » Donc il dit l'auteur, il aurait été préférable que l'auteur, au lieu de dire qu'il est allé pour visiter la tombe du prophète صلى الله عليه وسلم, qu'il ait plutôt dit qu'il allait pour visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est ça ce qui est al-mashrou', c'est ça ce qui est légal, ce qui est permis. Et dans l'islam, il n'y a rien qui justifie ou qui permet de faire un voyage pour juste pour aller visiter une tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tashud al-rihal, la tushad al-rihal illa ila thalathati masajid. » On ne doit pas faire de voyage excepté pour aller visiter trois mosquées. Il a dit la mosquée à Mecca, ma mosquée à moi, à Medina et le Masjid al-Aqsa. Ça, c'est les trois mosquées qu'on a le droit de faire de voyage pour aller visiter. D'accord? En ce qui concerne la question d'aller visiter la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a certains hadiths qui ont été mentionnés, mais la plupart sont des hadiths maudours ou bien daïfs. Il n'y a rien d'authentique dans ces hadiths-là. Comme par exemple, il y en a un qui dit, si je me souviens bien, man lam yazur qabri faqad jafani, quelque chose de ce genre. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas visité ma tombe, c'est comme s'il m'a manqué de respect, quelque chose de ce genre. D'accord? Ou bien man zara qabri ba'dama mati faka'annama zarani fi hayati. Il y a des genres de hadiths qui sont apportés dans ce sens-là, qui veut dire, comme par exemple, celui qui m'a visité après ma mort, c'est comme s'il m'a visité durant ma vie. Ça, c'est des exemples de hadiths aussi qui sont daïfs, qui ne sont pas authentiques, d'accord? Et en principe, c'est les soufis et les jeunes bid'a qui se rattachent à ces hadiths-là et qui les mentionnent dans leurs livres, hein, mais ils ne mentionnent jamais le degré ni l'authenticité de ces hadiths-là, justement parce qu'ils ne sont pas authentiques. Et il y a parmi les imams même qui ont écrit des livres pour réfuter ceux qui défendaient cette idée de visiter les tombes et tout ça, comme l'imam Ibn Abdul Hadi, un des élèves d'Ibn Taymiyyah, il a écrit un livre qui s'appelle « As-Sarim al-Munki » Firat al-Subki. Parce que Subki, il a écrit un livre pour essayer de défendre l'idée qu'on pouvait visiter les tombes. Et Subki, je pense qu'il était un des contemporains de l'imam Ibn Taymiyyah. Hein? Et il n'a pas écrit son livre durant la vie d'Ibn Taymiyyah. Il a attendu qu'Ibn Taymiyyah soit mort pour l'écrire. Et parce qu'il savait justement que s'il était vivant durant ce temps-là, il allait se faire réfuter. Mais il a attendu sa mort pour l'écrire, et un de ses élèves, qui est Ibn Abdul Hadi, il a réfuté, il a écrit une réponse à ce livre-là. Donc c'est un très bon livre, il est publié, donc celui qui veut savoir plus de détails, il peut retourner à ça. Et Ibn Taymiyyah a également écrit à ce sujet-là, « Ar-Rad al-Ahna'i hein ». Et dans ce livre-là, il réfute cette idée-là également, de toute façon, donc, alhamdoulilah. Donc, le cheikh, il dit que certains de ses frères dans la religion, c'est-à-dire on est tous des frères dans l'islam, hein, il dit, certains de mes frères dans la religion, ils m'ont demandé d'écrire quelque chose sur les fondements de la religion pour clarifier la aqida sur laquelle étaient accrochés les gens qui ont passé parmi les imams de l'islam et les ulama des musulmans et des salafs as-salihin, hein, et qui ont guidé les gens et qui ont appelé les gens à suivre ça, sur cette aqida à tous les instants et à toutes les époques. Et ils ont également, il continue sa phrase, il dit, et de rassembler dans ce livre, dans cette aqida, ce que les imams de l'islam ont interdit de suivre parce que ça s'oppose à cette aqida. Et ça vient en contradiction avec qu'est-ce qu'ils ont cru et qu'est-ce qu'ils ont apporté comme aqida. Donc, à cause de cette demande, c'est ça ce qui a fait en sorte qu'il a réuni dans ce livre les principes et les fondements de la aqida des salaf salih et de ashab al-hadith, ahl sunnah wal-jama'ah. Le cheikh, il décrit en fait les caractéristiques de cette aqida et des gens qui l'ont supporté et qui l'ont défendu. Il dit que les imams d'Ahl Sunnah wal Jama'ah ont interdit tout ce qui s'oppose à cette aqida. Et ils ont pris pour alliés tous ceux qui la suivaient, cette aqida. Ils les ont pris pour alliés. Et ils se sont opposés à toute personne qui s'opposait à cette aqida. Adam fiha. Et ils ont déclaré comme mubtadi'a, ou bien parfois même ils ont déclaré même kuffar, celui qui croyait quelque chose qui est contraire ou qui s'oppose à cette aqida. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Selon la catégorie ou selon le point sur lequel ces gens-là ont opposé cette aqida. Certains des points sur lesquels ils se sont opposés au sujet de cette aqida, ils les ont déclarés comme étant des mubtadi'a, parce que c'était des principes qui s'opposent à la sunna. Et donc, point de cette aqida, ils les ont déclarés, ceux qui se sont opposés à ces points-là, ils les ont déclarés comme étant des kuffars, parce que c'était des fondements de l'islam. D'accord? Ensuite, il dit, وَأَحْرَزُوا لِأَنفُسِهِمْ وَلِمَنْ دَعَوْا إِلَيْهَا بِتَرْكِهَا. Donc, c'est comme si pour dire qu'ils ont incité les gens, ils ont fait comprendre aux gens que celui qui appelle à cette aqida et qui l'accepte lui-même et qui appelle les autres à la suivre, qu'il aura une baraka à cause de cette aqida et qu'il aura le bien de tout ce qui découle de cette aqida. D'accord? Donc, alhamdoulilah, ils auront également toute la récompense qu'ils ont pour les actions qu'ils auront faites, parce qu'ils ont cru à cette aqida-là et qu'ils se sont accrochés à cette aqida et qu'ils ont orienté les serviteurs d'Allah vers elle et qui l'ont portée et qui ont incité les gens à s'y accrocher et à la suivre. Donc il dit, le chef Abu Osman, qu'il a demandé le conseil à Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait l'istikhara, hein, et il a donc décidé de réunir dans un livre, dans ce livre-là, tout ce qui lui pouvait être possible de rassembler, dans un résumé, hein, les croyances des imams Ahl-Sunnah wal Jama'ah. Donc, alhamdulillah, c'est comme ça que les imams d'Ahl-Sunnah wal Jama'ah ont ramené la Aqida. C'était jamais des choses qu'ils ramènent d'eux-mêmes, c'était pas des philosophies, des idées, des pensées, des calculs, des déductions personnelles, non. Ils ramènent tout ce que les gens ont dit avant eux sur la Aqida. C'est pas par eux-mêmes. C'est ça que beaucoup de gens de Bid'a aujourd'hui ne comprennent pas. Des fois, ils ramènent des idées de certains qui sont venus longtemps après les salafs. Et ils disent, regardez, on a des ulama qui ont dit telle ou telle ou telle chose. Puis quand tu regardes, tu vois que c'est des imams qui ont vécu au 6e siècle ou au 4e siècle. Et puis, c'est des croyances ou c'est des pensées ou des idées qui sont en contradiction avec ce que les salafs ont apporté. Hein? Donc quand tu retournes par exemple au livre des imams des salafs, quand ils défendent une croyance ou un principe de l'islam, ils la rapportent toujours au Coran et à la Sunna et aux paroles des sahaba et des imams des premiers siècles qui ont supporté et qui ont cru en cette aqidah-là eux aussi. C'est pas quelque chose qu'ils ont pris de leur propre tête, qu'ils ont déduit, comme les jeunes bid'a ont fait par la suite en essayant d'utiliser par exemple la philosophie ou toutes sortes d'autres idées et de principes, yani, qu'ils ont pris de leur propre tête et non pas du Coran et de la Sunna et de la voie des salafs. Avant de rentrer maintenant dans le cœur du livre, on peut faire une petite explication pour expliquer par exemple le titre du livre, qu'est-ce que ça signifie? Aqidat al-Salaf ou Ashab al-Hadith. Aqidat, ça vient d'un mot arabe qui veut dire aqada, hein, qui vient le verbe aqada, ça veut dire tu fais de nouer quelque chose, de faire un nœud. Hein. Et ça, les ulama, ils utilisent ce terme-là, c'est pour exprimer en fait que c'est la croyance sur laquelle il y a tu as ta certitude et ta conviction. Tu as noué ton cœur, tu as attaché ton cœur à cette croyance-là. Et donc, c'est devenu une aqida pour toi. Donc l'aqida, c'est qu'est-ce que tu as cru, mais tu l'as cru avec fermeté, avec conviction. Tu as noué ton cœur à cette croyance-là ou à cette chose-là, d'accord? Et on utilise par exemple, même dans les termes, même autres que l'aqida, parfois on dit par exemple al-aqd, hein, le contrat. Dans la langue arabe, le contrat, c'est parce que c'est la même racine que l'aqid, le mot aqida, l'aqd, aqda. Donc il y a ça, et puis c'est pour faire comprendre donc que c'est l'iman al-jazim, hein. C'est une foi qui est basée sur une certitude et une conviction. As-salaf, linguistiquement, si on traduit as-salaf, c'est ceux qui nous ont précédés, qui sont venus avant nous. D'accord? Mais quand on parle dans l'islam, quand on parle de la aqida des salafs, on parle de la aqida des sahaba, parce que c'est eux les premiers, c'est eux qui nous ont précédés dans la foi. Et donc, as-salaf, c'est les sahaba en premier. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé des sahaba dans le Coran, il les a glorifiés, il nous a ordonné même de les suivre. Il a dit, as-sabiquna al-awwalun من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Les premiers, les tout premiers parmi les musulmans qui ont précédé par la foi. والذين اتبعوهم بإحسان. Et ceux qui les ont suivis dans le bien, d'une bonne façon, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas la certitude, si on parle de d'autres personnes qui sont venues en dehors de des Sahaba, parmi les Muhajirin et les Ansar. On n'a pas la certitude à propos de quiconque qui vient après, que Allah est satisfait de lui. C'est seulement les Sahaba qu'on peut dire que Allah est satisfait d'eux. Radiallahu anhum wa radu anhum. Et ceux qui les ont suivis, dans leur aqida, dans leur pratique de la religion, dans leur compréhension. Donc, les salafs, c'est pas comme certains pensent que c'est juste une période historique qui est bénie. Et que les salafs sont bénis parce qu'ils ont vécu dans cette période-là. Non. Hein? C'est parce que ces salafs-là, ils ont pris la religion directement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont vu. Ils ont été ses compagnons, ils l'ont côtoyé, ils ont témoigné de la révélation. Ils ont vu comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils sont les témoins de la révélation. Et ils sont la meilleure des nations et des générations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. » Donc la meilleure des générations, c'est ma génération, ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. D'accord, donc ça c'est les trois premières générations. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans d'autres versets par exemple, il dit « وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. » Ça veut dire, et ceux qui ont fait scission, qui se sont séparés, qui ont opposé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah et son, qui se sont opposés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, après que la vérité leur ait été clarifiée, hein, et ben, Allah sallallahu alayhi wa sallam, il les menace par la suite, hein, il leur donne une menace très sévère. Il leur dit que ceux-là qui ont fait scission avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont suivi autre que la voie des croyants, hein, il va les laisser se dévier ou se détourner tels qu'ils se sont détournés, et il va les brûler dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc ça c'est une menace sévère pour ceux qui ne suivent pas la voie des mu'minines. Et qui étaient les mu'minines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, autre que les sahaba, hein. Donc c'était les sahaba. D'accord. Donc ça c'est des exemples parmi les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne et nous demande de suivre. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous ordonne de suivre l'exemple des salaf salih, des sahaba et de ceux qui les ont suivis. Donc, comme plusieurs parmi les imams ont dit, si ce que tu suis aujourd'hui n'a pas été pratiqué ou cru ou enseigné par les sahaba, alors tu peux dire que ce que tu suis, ça ne fait pas partie de l'islam. Parce que si eux ne l'ont pas cru, si eux ne l'ont pas pratiqué, si eux ne l'ont pas fait, ce n'était pas de l'islam. D'accord? Donc ça rend la religion très simple, très facile à comprendre, quand on établit et quand on a bien compris ce principe-là. L'islam, c'est eux, c'est entre eux et nous, il y a les salaf salih. Si eux ils ne l'ont pas fait, ça ne fait pas partie de l'islam. Et il y a beaucoup d'imams, comme l'imam Malik, rahimahullah, il a établi, il a expliqué ce principe-là bien en détail. Maintenant, Ashab al-Hadith, eh ben, c'est les imams qui ont établi et qui se sont concentrés sur le Hadith. Et le Hadith, on sait que c'est les paroles, hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses actions et les choses qu'il a approuvées durant sa vie, ça c'est sa sunna. Et donc les hadiths, ils renferment la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ashab al-hadith, c'est ceux qui ont donné à la sunna et au hadith une importance, qui l'ont étudié, qui l'ont mémorisé, qui l'ont préservé, hein, et qui l'ont appliqué également. C'est pas seulement qu'ils l'ont mémorisé et tout, ils l'ont également appliqué et mis en pratique. D'accord? Donc ce sont eux les meilleurs. Et ce sont eux qui méritent le plus d'être, hein, qui méritent le plus d'être Ahlul Hadith. Et quand on a demandé aux imams à propos du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « La tazalu ta'ifatun min ummati, zahirina ala al-haq, la yadurruhum man khadalahum wa la man khalatahum, حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un groupe de ma umma qui va être sur, victorieux sur la vérité, hein, et que ceux qui s'opposent à eux ou qui les délaissent ou qui les abandonnent ne leur nuiront en rien. Hein, lorsqu'on leur a demandé qui sera ce groupe-là qui va être sur cette qui va être victorieux sur la vérité jusqu'à la fin des temps, qui sont ces gens-là? Eh bien, les imams ont répondu, ce sont Ahlul Hadith, ce sont les gens du Hadith. D'accord? Donc ça, c'est pour nous faire comprendre l'importance des gens du Hadith. Et ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, quelqu'un n'est pas un savant de Hadith qui ne fait pas partie des gens de Hadith. Mais quand on parle des ulama de Ahl Sunnah et des imams du Hadith, ça c'est ceux qui sont à la tête de Ahlul Hadith. Toutefois, tous musulmans qui ont cru en ce qu'a cru les Sahaba et qui n'amènent pas de bid'a, eh ben, il fait partie des gens de Ashab al-Hadith. Ça ne veut pas dire que tu dois être un muhaddith ou un grand imam d'al-Hadith pour faire partie de Ashab al-Hadith, sinon, la plupart d'entre nous, on ne serait pas sur la aqida de Ahlul Hadith. Mais les imams de Ahlul Hadith, c'est les ulama de Hadith. Et les imams d'Ahl Sunnah, c'est eux les chefs, c'est eux qui sont à la tête. Puis tous ceux qui ont cru en leur aqidah et qui ont appliqué et qui ont respecté ça et qui n'ont pas amené de bid'ah, eh bien eux aussi font partie de Ashab al-Hadith dans cet aspect-là. D'accord? Maintenant, on a expliqué un peu le titre du livre en résumé. On va commencer à lire maintenant un autre point, là l'imam il rentre un peu plus dans le sujet. Il dit « Mu'taqadu ashab al-hadith fi sifatillah » Ça c'est le sujet par lequel il décide de commencer à expliquer la aqida des salaf salih. C'est-à-dire, c'est quoi la croyance des gens du hadith au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et pourquoi il commence par les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est parce que, en fait, c'est ça qu'il y a de plus important dans l'islam. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux pas adorer Allah si tu le connais pas. D'accord? Donc tu as besoin de le connaître. Et maintenant tu veux savoir comment les imams de Ahl Sunnah, en commençant par les Sahaba et les Tabi'in et ceux qui les ont suivis dans le bien, et comment ils observaient, comment ils traitaient les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on sait comment eux regardaient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien nous on va savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'on doit suivre à ce sujet-là. Et on va pouvoir en même temps mettre de côté et rejeter toute position ou opinion ou idée ou philosophie qui s'oppose à ça. Et ça, on va savoir en même temps que c'est une forme d'égarement et de déviation et quelque chose qui nous éloigne de la voie des salaf salih. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit « Fa'ala cheikh Abu Osman, qultu wa billahi al-tawfiq, inna ashab al-hadith al-mutamassikina bil-kitab wa-sunna, hafizallahu ahyahum wa rahima amwatahum, yashhaduna lillahi bil-wahdaniyah. وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة يعرفون ربهم عز وجل ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه. Donc, l'imam Abu Osman est commencé, il dit, je dis, ayant Allah et le succès, que les gens du hadith, ceux qui s'accrochent au Coran et à la Sunna, hafidallahu, qu'Allah préserve ceux qui sont vivants d'entre eux, et qu'il fasse miséricorde à ceux d'entre eux qui sont morts, eh bien, les gens du hadith, ils témoignent en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui comprend les formes de tawhid qu'on connaît, qui sont tawhid al-rububiyyah, وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات en français, c'est-à-dire le tawhid dans la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tawhid dans l'adoration et le tawhid dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit ensuite, et il témoigne également que le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est un messager d'Allah et un prophète, qu'il est venu avec un message et qu'il est venu avec la prophétie. Et ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala par ses attributs. Ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala par ses caractéristiques et ses qualités qu'il a parlé. Les qualités qu'il s'est attribuées lui-même dans sa révélation. Ou les qualités, les attributs que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans les narrations qui ont été rapportées, qui sont authentiques au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont été transmises par des transmetteurs ou des narrateurs qui sont fiables et authentiques. Hein? Donc ça c'est l'introduction de ce principe-là. C'est pour nous faire comprendre c'est quoi le manhaj des gens d'Ahlul Hadith, d'Ahlul Sunnah, pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala et pour connaître ses attributs et ses noms. D'accord? C'est pas compliqué en fait. On affirme ce que Allah a affirmé et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé. C'est ça la aqida. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est difficile? C'est très simple cette aqida. D'accord? Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé, on l'affirme. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé, on l'affirme. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. On n'a pas besoin de philosophie pour comprendre ça. Alhamdulillah, c'est simple et clair. Maintenant, on va aller plus en détail. Le cheikh il dit, وَيُثْبِتُونَ لَهُ جَلَّ جَلَالُهُ مِنْهَا مَا أَثْبَتَ لِنَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله ولا يكيفونهما بكيف أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبيها مشبها خذلهم الله وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعليل والتشبيه واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله لما خلقت بيدي وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ووردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى آدم وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن خلقت له كن كما قلت كمن قلت له كن فيكون وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده نعم donc c'est un long passage qu'on vient de lire mais on va résumer ça expliquer ça étape par étape inshallah le cheikh il dit quoi il dit ils affirment pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'Allah a affirmé dans son livre. Et par la langue de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et il ne croit pas qu'on a le droit de faire du tashbih. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire ressembler les sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec les attributs de sa création. On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire une ressemblance entre les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et les attributs de sa création. Donc, le cheikh, il donne un exemple de ça en mentionnant une des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, les gens d'Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah qui croient à la aqida des salaf et des gens de hadith, ils disent, Allah a créé Adam avec sa main, ou par sa main. Comme cela a été mentionné dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit, قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الله سبحانه وتعالى s'adresse à Iblis, Shaytan, il s'adresse à lui et lui dit, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner à ce que j'ai créé par mes deux mains, hein? Donc ça c'est le verset 75 dans sourate Sad, hein? Donc le cheikh il dit que Ahl al-Sunnah wa al-Jama'a, il croit que Allah a créé Adam avec sa main. Et il mentionne la preuve dans le Coran qui prouve ça. Hein? Et c'est un texte clair et explicite. Et le cheikh il dit, et il ne déforme pas le sens de la parole de son contexte, en essayant de déformer le sens du mot yadei, pour essayer de faire croire aux gens que les deux mains qui sont mentionnées dans ce verset-là, c'est pas les deux mains, c'est pas deux mains, mais c'est deux grâces ou deux forces. Hein? Ça, c'est le tahrif des Mu'tazila et le tahrif des Jahmiya. Ça, c'est le cheikh qui explique ça. Il dit que ça, c'est le tahrif des Mu'tazila et des Jahmiya, que Allah les fasse périr. Bon, qu'est-ce qu'il explique le cheikh ici? Il nous explique en fait que la voie d'Ahl al-Sunnah, la aqida d'Ahl al-Sunnah et des gens de hadith, c'est qu'on accepte les attributs qu'Allah s'est donné pour lui-même et on ne déforme pas le sens de ces attributs-là en disant par exemple, ça c'est quand Allah dit qu'il a deux mains, ça ne veut pas dire deux mains, ça veut dire deux grâces, ou ça ne veut pas dire deux forces, ça ne veut pas dire deux mains, ça veut dire deux forces, etc. Il dit que cette façon de déformer l'essence des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la voie des Mu'tazila et des Jahmiya. Ok? Donc, c'est ça la voie des Jahmiya et des Mu'tazila. Qui sont les Mu'tazila? Qui sont les Jahmiya? Les Jahmiya, c'est ceux qui ont suivi Jahm ibn Safwan. Jahm ibn Safwan, c'est un des gens qui a vécu dans le deuxième siècle, si je ne me trompe pas, et il est apparu avec toutes sortes d'idées qui s'opposent au Coran et à la Sunna. Il a dit on ne doit pas décrire Allah par aucune attribut et aucun nom. Hein? On doit seulement dire à propos d'Allah qu'il existe, et c'est tout. Rien d'autre. Donc il a nié tous les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nie Al-Qadr, il a nié la prédestination et que quoi que ce soit prédestiné. Dans la foi, Yahya ibn Safwan il a dit, si tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, tu es croyant. Donc il a même déterminé, ou même il a même été jusqu'à dire que Iblis et Fir'aun sont des mu'minines, parce qu'ils ont soi-disant connu Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est des exemples de cet égarement-là. Donc Al-Jahm ibn Safwan c'était un des égarés de cette époque, okay, et il a amené beaucoup de mal dans la Ummah, cet homme-là. Mais c'est pas lui vraiment qui avait établi ou commencé cette aqidah-là, c'était plutôt Ja'd ibn Dirham, c'est lui qui l'a précédé, et lui Jahm ibn Safwan a appris de Ja'd ibn Dirham, sauf que celui qui l'a vraiment propagé, c'était lui, c'était Jahm. C'est pour ça qu'on l'a appelé Al-Jahmiya, cette aqidah. Ensuite, il y a eu les Mu'tazila. Et les Mu'tazila, ils ont des ressemblances avec les Jahmiya. Sauf qu'ils sont à un cran, peut-être moins, un peu moins égarés que les Jahmiyyah. Parce que les Jahmiyyah ont été déclarés par les imams de Ahl Sunnah comme étant des kuffars. Hein? Plus que 500 parmi les ulama des imams de Ahl Sunnah ont déclaré que les Jahmiyyah ce ne sont pas parmi les musulmans. Parce qu'ils ont nié les noms et les attributs d'Allah en entier. Toutefois, les Mu'tazila, eux, ils ont affirmé les noms, mais ils ont nié les attributs. D'accord? Ils ont nié les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les ulama ont dit, au sujet des Mu'tazila, qu'étant donné qu'ils ont affirmé les noms, ça implique indirectement l'affirmation des attributs. Parce que, quand tu dis les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est As-Sami', Al-Basir, Al-Alim, et ça implique qu'il a As-Sam', ça implique qu'il a Al-Basar, ça implique qu'il a Al-Ilm, et ainsi de suite. D'accord? Même si eux nient ça, eux ils pensent que tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des mots, c'est des noms qui n'ont aucune signification. Hein? C'est des noms qui n'ont aucune signification, et donc ils nient les attributs. Mais les ulama, ils leur ont dit, ça c'est une contradiction de leur part, et étant donné qu'ils ont affirmé les noms, ils ne les ont pas déclarés comme étant des kuffars. Toutefois, ce sont des gens parmi les gens de Bid'a. Et ils ont parmi leurs principes qu'on doit nier tous les noms, tous les attributs d'Allah. On doit nier tous les attributs d'Allah. Également, ils croient que celui qui fait un grand péché dans les kaba'ir, il n'est pas kafir, il n'est pas mu'min. Il est dans un milieu, dans un niveau entre les deux. Al-manzilatayn, al-manzilatayn. C'est eux qui ont inventé cette bid'a-là. En fait, c'est Wasil ibn Atta. C'est lui qui l'a inventé cette bid'a. Il était parmi les gens qui suivaient les durus de Al-Hassan al-Basri dans la mosquée. Puis, quand il est venu avec ces idées-là, Al-Hassan al-Basri lui a dit de quitter son halaqa. Donc il a fait sa propre halaqa dans la mosquée. Et on les a appelés Mu'tazila parce qu'ils se sont écartés du dars de Al-Hassan al-Basri. Hassan al-Basri, c'est un des imams parmi les tabi'ins. Il a étudié avec les Sahaba. Hein? Donc c'est un des grands imams de l'islam. Comment quelqu'un peut venir dans la mosquée, dans le dars de Al-Hassan al-Basri, qui a étudié avec Aïcha et d'autres parmi les sahaba, hein, et commencer à lui dire non, je suis pas d'accord avec toi, à propos de Ashab al-Kaba'ir, les gens qui font les grands péchés, tu dois pas dire qu'ils sont musulmans. Hein. C'est de l'ignorance de sa part. Mais il s'est relié avec un autre parmi les gens de Bid'a qui s'appelle Amr ibn Ubayd. Et lui aussi, il avait des tendances de cette tendance-là aussi. Et parmi leurs bid'a, c'est qu'il nie al-qadar. Il nie la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, il croit que parmi les principes qu'ils ont établis également, c'est que il faut prendre les armes contre un dirigeant s'il est injuste. Ça fait partie de leurs principes, les Mu'tazila également. D'accord? Donc ça c'est quelques-uns parmi leurs 5 principes qu'ils ont établis comme innovation. Qu'est-ce qui est arrivé un peu plus tard par la suite? Il est apparu un homme qui s'appelle Abu al-Hassan al-Ash'ari. Abu al-Hassan al-Ash'ari est né en 260 Hijri. Certains disent 270 Hijri. D'accord? Et Il a grandi dans la croyance des Mu'tazila. Pendant 40 ans de sa vie, il a étudié la aqida des Mu'tazila. Et non seulement il l'a étudié, mais son beau-père, le mari de sa mère, c'était un des imams parmi les imams des Mu'tazila de cette époque-là. Donc il a étudié avec un des grands, parmi les grands Mu'tazila de son époque, pendant 40 ans. Hein? C'est pas n'importe quoi ça. Ça veut dire que le gars, hein, cette personne, il a été affecté profondément par les croyances et les idées de cette secte et de cette groupe de déviation-là. Donc, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? À l'âge de 40 ans, il avait réfléchi à certaines des croyances des gens des Mu'tazila. Et des fois, ça arrivait qu'il débattait avec son beau-père sur certaines questions et ils n'étaient pas d'accord parfois sur certaines des idées de Mu'tazila. Donc, il a essayé de trouver une voie intermédiaire entre la aqidah des salaf, ashab al-hadith, et la aqidah des Mu'tazila. Parce que eux, soi-disant, ils voulaient essayer de réfuter les philosophes. Ils essayaient de réfuter les philosophes et les jahmiyyah en utilisant la raison. Parce qu'ils ont dit ça, c'est des gens qui aiment la raison pour les battre, pour les opposer, pour leur répondre. Il faut nous aussi utiliser la raison. Sinon, ils ne vont pas accepter ce qu'on dit. Parce que c'est des gens qui n'acceptent pas les preuves des textes. Hein, ils considèrent que les textes du Coran et de la Sunna ne sont pas des choses qui amènent une conviction ou une connaissance. Donc ils disent, on va utiliser la raison. Donc, c'était ça en fait leur erreur. Il y a, comme l'imam dont on lit le livre aujourd'hui, et d'autres imams, hein, avant eux, ils ont réfuté les Jahmiyyah. L'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, hein, et tous les autres imams avant et après, quand les Jahmiyyah sont apparus, ils les ont réfutés. Hein. C'est bien connu. Donc là, il y avait des gens qui réfutaient les Jahmiyyah et les Mu'tazila bien avant Abu al-Hassan al-Ash'ari. Toutefois, quand il est venu Abu al-Hassan al-Ash'ari avec cette méthode, soi-disant, pour essayer de réfuter les Mu'tazila et les philosophes, il a adopté une méthode intermédiaire. Il a essayé de mélanger entre la voie des gens de Bid'a et la voix des gens d'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. Et c'était ça qui a fait en fait l'erreur qu'il a amenée par la suite. Il a adopté la voix de Muhammad ibn Kullab. C'est pour ça qu'on l'appelle aujourd'hui, ceux qui se prétendent Asha'ira aujourd'hui, on dit qu'ils sont plutôt des Kullabiyyah, non pas des Asha'ira. Parce que l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, par la suite, à la fin de sa vie, il a fait tawbah. Il a quitté cette idée qu'il s'était faite, cette aqidah qu'il s'était fabriquée lui-même, cette voie intermédiaire qu'il avait adoptée, la voie de Ibn Kullab, il l'a abandonnée et il est revenu à la voie d'Ahl Sunnati wal Jama'ah. Et il a écrit des livres, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, et il a écrit des livres pour expliquer cette chose-là. Il a écrit par exemple le livre Aqidatul Islamiyyin, et il a écrit aussi Al-Ibana fi Usul al-Diyana pour montrer qu'il est revenu à la voie d'Ahl Sunnati wal Jama'ah et qu'il était sur la aqidah de l'imam Ahmed. D'accord? Donc c'était pour faire comprendre que en fait il y a eu cette tendance de l'imam Abu al-Hassan qui était la période intermédiaire, et les gens d'aujourd'hui qui se disent Asha'ira, ils suivent cette tendance-là aujourd'hui, celle qui était la méthode de Ibn Kullab, et non pas sa dernière position. Et pourquoi je mentionne ça, pourquoi c'est important de mentionner la question des Asha'ira aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont très répandus actuellement dans le monde musulman, pour différentes raisons historiques. Okay. Mais ils ont fait les mêmes tahrifs que les tahrifs de Mu'tazila et de Jahmiyyah. Et ils se prétendent comme étant les défenseurs de la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'ah. Donc c'est là qu'il y a une sorte de trahison, yani. Le fait que des gens qui utilisent des méthodes de bid'a et des gens de bid'a se présentent comme étant des défenseurs de la Sunnah. C'est là qu'on voit qu'il y a un grave problème dans cette question-là. Et c'est pour ça que c'est important de clarifier en fait que les mêmes tahrifs, si tu vois qu'est-ce que l'imam dit, l'imam dit ici à propos des Mu'tazila et des Jahmiyyah, à propos de la tribu de la main, il dit qu'il l'interprète ou il change sa signification pour dire que c'est une ni'ma, une grâce ou la force. Et bien quand tu retournes au Asha'ira aujourd'hui, on trouve les mêmes ta'wil, les mêmes tahrifs dans leurs livres. C'est-à-dire qu'ils vont adopter les mêmes tahrifs que les tahrifs des Mu'tazila et des Jahmiyyah. Donc il y a ce problème dans ce sens-là, et c'est pour ça que c'est important de comprendre. cette question-là. Il y a aussi une voie qui est semblable à celle de la voie de Al-Ash'ari aujourd'hui, qui est celle de Al-Maturidiyya. Al-Maturidiyya qui est propagée plus chez les Ahnaf, que ce soit les Turcs, les Pakistanais, les gens du Bangladesh et de ces régions-là. Al-Sha'ara, c'est surtout les Malikiyya et les Shafi'iyya. Ça s'est répandu par la suite dans ces personnes, parmi ces groupes-là. Au nord de l'Afrique, les gens ne connaissaient pas, excepté l'Aqidah des Salaf, à partir de l'imam Malik jusqu'à arriver la période des Mouahidines, si je ne me trompe pas. Ils étaient tous sur l'Aqidah des Salaf. Est arrivé Ibn Tumart, et lui il est allé étudier avec Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, l'ancien Abu Hamid, et il a appris de lui cette Aqidah, Aqidah Ash'ariya, quand il est retourné au nord de l'Afrique par la suite, et il a imposé cette Aqidah-là par la force. Toute personne qui s'opposait à lui était tuée, exécutée sur le champ. Il a fait exterminer des villages entiers. Ibn Tumart, il était connu pour son extrémisme, et les gens qui le suivaient, ils l'appelaient Al-Mahdi, ils croyaient que c'était Al-Mahdi, ils avaient une aqidah à son sujet, ils croyaient en lui quelque chose de particulier, que ce n'était pas un homme ordinaire, donc c'est pour ça, et c'est ça qui a fait ensuite qu'il y a eu l'établissement dans l'Afrique, le nord de l'Afrique, et l'Afrique de l'Ouest même. La Aqidah Ash'ariya, avant ça, c'était pas connu dans cette région-là du monde. D'accord? Et là, tu vois aujourd'hui des Malikiyya qui défendent la Aqidah Ash'ariya, qui croient que c'est ça la Aqidah de l'Ahl Sunnah, alors que c'est une bid'ah qui a été ramenée bien longtemps par la suite, Donc ça, c'est important de connaître le contexte historique, comment ça s'est développé. À l'époque de notre auteur, celui qui a écrit cette Aqidah aujourd'hui, quand il est né en 373, eh ben, Abul Hassan al-Ash'ari, il a quitté la secte des Mu'tazila en 300, pendant 300 Hijri. Parce qu'il est né en 260. Ceux qui disent qu'il est né en 270, c'est-à-dire qu'il a quitté la secte des Mu'tazila en 310. D'accord? Et donc, notre imam ici, il est né en 373. La Aqidah des Asha'ira ne s'est pas répandue, excepté à partir du 5e siècle. Au début, elle n'était pas propagée, elle n'était pas répandue. C'est par la suite qu'elle s'est répandue, à cause de Salah al-Din Ayyubi. Que lui, c'est cette Aqidah-là qu'il avait appris, et il a établi des écoles pour enseigner cette Aqidah. Et c'est ça qui a fait que cette Aqidah-là s'est propagée dans le monde musulman. Avant ça, elle était inconnue dans le monde musulman. Les gens ne connaissaient que la Aqidah des Salaf. Donc c'est les gens qui connaissent pas le contexte et le développement historique de la secte des Ash'ara, et comment elle a évolué, ils pensent que ça c'était la Aqidah des Salaf. Parce qu'ils connaissent pas. D'accord? Donc ça c'est important de bien comprendre tous ces facteurs-là, et de comprendre que lorsque l'imam il parle des Mu'tazila et des Jahmiyyah, il mentionne pas les Asha'ira, parce qu'ils n'étaient pas répandus à cette époque-là. Mais si par exemple c'était une période par la suite, il les aurait critiqués de la même façon qu'il aurait critiqué les Mu'tazila et les Jahmiyyah, parce qu'ils ont amené les mêmes bid'ah que ces deux groupes-là. Et c'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah, par la suite, il les a critiqués. Parce que, à son époque, c'était là que la Aqidah des Asha'ira était répandue. Et la plupart des livres de l'imam Ibn Taymiyyah, quand il réfute des gens de Da'a et quand il parle des Aqidah et d'Asma au Sifat, eh ben, en fait, il réfute les Asha'ira. Beaucoup des livres qu'il a écrits, c'était pour les réfuter. Il les a décrits comme étant Makhamisu al-Mu'tazila. C'est-à-dire, comme s'il a dit, les Mu'tazila, c'est les Jahmiyyah mâles, et les Asha'ira, c'est les Jahmiyyah femelles. C'est comme ça qu'il les a décrits. Donc ça, c'est des exemples. Bon, donc pour continuer dans ce dans cette explication, on ne déforme pas donc le sens des attributs. Ok, contrairement au Jahmiya et au Mu'tazila et au Asha'ira et au Maturidiya. Les Asha'ira, en principe, ils affirment uniquement sept attributs. Les autres, ils les nient et ils les défendent. Et les Maturidiya, il y a la même chose. Il y a une petite différence entre les deux des fois. Mais en principe, c'est ça. Tandis qu'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils affirment tous les noms et tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux, ils ont dit, on va chercher le juste milieu, hein. On va suivre un peu les Mu'tazila, puis un petit peu Ahl Sunnah. Donc, on va affirmer sept, au lieu de toutes les nier, on va en affirmer sept, et les autres, on va les déformer comme les Mu'tazila qui faisaient, hein. Et c'est par exemple, ils affirment par exemple la parole, la vue, l'ouïe, la sagesse, quoi d'autre encore, la force, hein, al-qudra, al-irada, la volonté, et al-wujud, mais ça c'est parce qu'il y en a d'autres qui ont rajouté comme qui sont, en fait ils ont 13 qu'ils ont affirmé, mais 7 c'est les attributs qui sont dans le Coran, les autres c'est des principes qu'ils ont ajoutés eux-mêmes, yani. En tout cas, c'est juste pour faire comprendre qu'il y a les sept attributs, et la façon dont ils les affirment, ils ne les affirment pas de la même façon qu'Ahl Sunnah wal Jama'a. Par exemple, la parole, on va y revenir à ça, et à l'istiwa, ils le nient, et d'autres comme ça. Pas besoin de rentrer dans les détails, parce que l'imam va détailler tout ça plus tard, d'accord? Donc, ça c'est pour expliquer déjà que notre position, elle diffère, et elle s'oppose à la position de ces gens-là. Là, ils ont contredit la voix des salafs et des gens de hadith dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il dit ensuite le cheikh? On va rester. Il reste quelques minutes parce que je calcule avec le temps. On va s'arrêter bientôt, Inch'Allah. Prendre une pause. Donc, c'est ça. J'ai perdu le cours, mais c'est pas grave. Le cheikh il dit donc que nous, on ne défend pas le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en même temps, on ne cherche pas à connaître la description des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment sont les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala? On n'a pas le droit de chercher à décrire ces choses-là, et à savoir comment, ou à essayer de l'imaginer avec nos esprits. On n'a pas le droit de faire ça. Tel qu'Allah s'est décrit, c'est tel qu'on doit l'accepter. Et on croit à ces attributs-là, sans demander comment. Hein? Il y a un comment, mais on ne le connaît pas. Si Allah nous avait dit comment sont ses mains, on aurait su. On aurait pu le dire, mais on ne peut pas le dire puisqu'Allah ne nous l'a pas dit. Et donc, on doit s'arrêter et se limiter à ce qu'on sait. Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ça c'est un principe important. Et wala yushabbihunahuma bi'aydi al-makhluqin tashbih al-mushabbiha. On ne sait pas non plus ressembler les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala aux mains de ses créatures. Hein? Comme font cette chose-là les mushabbiha, ceux qui essaient de faire ressembler Allah aux êtres humains ou aux créatures, que Allah les fasse périr. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit que Allah a protégé Ahl Sunnah de toutes ces formes de déviation-là. Al-Tahrif, Al-Takyif, Al-Tashbih, Al-Tamthil. Ça, c'est les principes que les ulama mentionnent. Quand on parle de la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a, on parle de ces quatre principes-là. Qu'on affirme les noms, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tels qu'il s'est décrit lui-même dans le Coran, et tels que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit dans la Sunnah, sans faire de tahrif, sans faire de takyif, sans faire de ta'til et sans faire de tamthil. Ça, c'est les quatre principes. Et c'est ça ce que l'imam Abu Othman nous explique maintenant. Hein? Donc, tahrif, on le sait, c'est de déformer le sens des mots, et de leur donner une signification qui est hors du contexte, qui n'a aucun rapport avec sa signification réelle. At-takyif, c'est de chercher le commun, la description des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas le droit de demander des choses de ce genre et d'imaginer des choses de ce genre. Et at-tashbih ou at-tamthil, hein, ça c'est d'essayer de faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa création et de dire la main d'Allah c'est comme la main des créatures. Ça c'est at-tashbih et ça aussi c'est kufr. Et le cheikh dit وَمَنْ عَلَيْهِمْ بِالتَّعْرِيفِ وَالتَّفْهِيمِ. Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux gens de Ahl al-Sunnah la connaissance et la compréhension. حَتَّى سَلَكُوا سُبُلَ التَّوْحِيدِ وَالتَّنْزِيهِ. Et donc ils ont suivi donc les voies du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et du tanzih, c'est-à-dire ils ont purifié Allah subhanahu wa ta'ala de toute forme d'imperfection ou de faiblesse qui pourrait lui être attribuée par les gens de shirk ou de bid'ah. نعم وتركوا القول بالتعليل والتشبيه. Donc ils ont abandonné les voies des gens qui font le tashbih et des gens qui essaient de faire des ressemblances entre Allah et ses créatures et également qui essaient de nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il mentionne le verset 11 dans sourate Shura qui dit laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien comme lui, il n'y a rien qui lui ressemble, hein, et il est as-sami' et al-basir, c'est-à-dire il est l'audient et le voyant, celui qui entend et qui voit tout. Et dans ce verset-là, il y a l'affirmation, et en fait il y a l'affirmation que Allah subhanahu wa ta'ala a as-sam' et al-basar, qu'il est sami' et basir, qu'il a la vue et l'ouïe, et en même temps il y a la négation de toute ressemblance avec lui. Et ça c'est la voie de Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. On affirme les noms d'Allah, les attributs, hein, sans faire de tashbih, sans faire de takif, et on nie toute ressemblance à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, donc on est épargné des deux voies d'égarement, ceux qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ahl al-Ta'til, et ceux qui font des ressemblances, hein, Ahl al-Tashbih. Et il y a des gens parmi les gens de Bid'ah, comme les Mu'tazila, et les Jahmiya, et les Asha'ira, ils croient que le fait d'affirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire qu'on fait une ressemblance entre Allah et sa création. Et ça c'est, en fait, une égarement. Que si on dit qu'Allah a une main, et que les êtres humains ont une main, et que les animaux ont des mains, ça ne veut pas dire que ces mains-là ont des ressemblances. Chacun a la main qui lui convient, et c'est ça ce qu'on attribue. On attribue à Allah un attribut qui lui convient, tel qu'il se le décrit lui-même. Hein? S'il ne l'avait pas dit, on ne l'aurait pas dit. Mais puisqu'il l'a dit, on le dit, hein? Sans faire de ressemblance. Et là, il dit, comme ça a été mentionné dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Lima khalaqtu bi yaday » pour qu'est-ce que j'ai créé par mes deux mains. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. Ces deux mains sont grandes ouvertes, elles donnent l'infaq comme il veut, il donne comme il veut. Ça c'est la réponse aux juifs qui avaient dit que yani, les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient fermées et qu'il était, comme si pour accuser Allah, qu'il était avare. Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu en disant non, ses mains sont grandes ouvertes et il donne de sa subsistance comme il veut. Et il y a des textes qui sont mentionnés dans les hadiths, hein, qui montrent également qu'il y a l'affirmation dans la Sunnah de l'attribut des mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple l'histoire lorsque Moussa a argumenté avec Adam, hein, il a discuté avec Adam, il a dit, Moussa a dit, Allah t'a créé avec sa main, et il a fait ses anges se prosterner à toi. Donc ça c'est rapporté dans un hadith rapporté par Muslim, hein, et par d'autres, parmi les imams comme Ahmad et Ibn Khuzayma et Ad-Darimi et d'autres. Donc ça c'est un hadith qui est sahih, et le cheikh il mentionne deux autres hadiths pour prouver cet attribut-là, mais les deux hadiths qu'il a mentionnés ne sont pas authentiques. Mais toutefois, il y a beaucoup de hadiths qui mentionnent la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Souvent, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle, il dit, par exemple, وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ, par Allah, celui qui tient mon âme entre sa main. Plusieurs fois, avant de dire quelque chose, il commence par jurer par celui qui tient son âme entre sa main. Donc ça, c'est déjà une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala a une main. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ça à ses compagnons, il n'a pas pris des heures et des heures pour dire aux sahaba, attention, quand je dis que Allah tient mon âme entre sa main, il ne faut pas croire que cette main est ressemblante à la main des hommes ou des choses comme ça, ou il ne faut pas croire ci ou ça. Il a affirmé l'attribut tel quel. Hein. Et les sahaba n'ont jamais posé la question comment est la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont cru tel qu'il est et ils ont su que Allah a dit laisa kamithli shay. Donc ils savent très bien qu'il n'y a pas de ressemblance entre la main d'Allah et la main de la créature. Hein. Ils n'ont pas dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pas dit aux sahaba, attention, cette, la main, quand je dis la main d'Allah, ça veut dire la force, ça ne veut pas dire la main. Ou la main, quand je dis la main d'Allah, ça ne veut pas dire la main, ça veut dire la grâce. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit ça nulle part. Il a affirmé la tribu telle qu'elle. D'accord? Et donc, alhamdoulilah, ceux qui se sont enfuis du tashbih, hein, ils ont nié les attributs pour s'enfuir du tashbih, eh bien, ils se sont enfuis d'une chose en réalité pour tomber dans quelque chose de plus grave encore, c'est-à-dire la négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les deux hadiths que le cheikh a mentionnés après, qui ne sont pas authentiques, il y en a un qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je ne rends pas mes serviteurs pieux que j'ai créés avec ma main, pareil à ceux que j'ai créés en disant soit et il fut. Ça c'est un premier texte, et l'autre qui est mentionné, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a créé le firdaus avec sa main, et ces deux-là sont daïfs. Donc on va s'arrêter ici pour l'instant, et inshallah après la pause, on va continuer dans l'explication de cette aqida de l'imam Abu Osman al-Sabouni. Et en passant, juste pour mentionner, il y a un Sabouni qui est vivant à notre époque. Je ne sais pas si c'est Ali al-Sabouni ou quelque chose comme ça. Il a un tafsir qui s'appelle Safwat al-Tafsir. Et malheureusement, il n'a pas suivi la aqida de Abu Osman al-Sabouni. Donc, il a fait le ta'wil de certaines des sifats d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'imam Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah, a écrit même un livre pour réfuter certaines de ses erreurs à ce sujet-là. Il est dans les Majmou' Fatawa de Cheikh Ibn Baz, ce texte. Je pense que c'est dans le volume 2, si je ne me trompe pas. Donc, vous pouvez retourner. Donc, c'est juste pour que vous soyez au courant que si vous voyez al-Sabouni, et que c'est un qui est contemporain et qui a un livre, un tafsir qui s'appelle Safwat al-Tafsir, sachez que c'est pas la même aqida que l'aqida des salaf. D'accord? Donc on va s'arrêter ici, inshallah. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa iyyakum.